بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. 12e leçon. 12e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب. Donc aujourd'hui on prend la muraja'a de la du 23e vers. البيت الثالث وعشرون. وقال المنظم رحمه الله تعالى عبد الله أبو بكر ابن أبي داود في الحائية وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء تطفح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء تطفح. Donc ces vers là sont venus pour la mas'ala des wasat al-muwahhidin, les gens qui ont transgressé parmi ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Les muslimoun et mu'minoun. فعقيدة السنه والجماعه ان العصاة الموحدين لن يخلدوا في النار. Ils ne seront pas dans le feu éternellement. Ils en sortiront un jour. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que certes Allah ne pardonne pas ce qu'on est censé croire que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. On a le hadith de Anas, apporté par Tirmidhi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَمَا يَقُلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي. يَبْنَ آدَمْ لَوْ لَقَيْتَنِي بِذُنُوبِكَ عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بي شيئا أتيتك بمغفرة بقرابها مغفرة. Donc ce hadith Qudsi عظيم selon Anas que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم que Allah صلى الله عليه وسلم a dit au fils d'Adam que si tant que tu m'invoques et que tu espères de moi je te pardonnerai ce que tu auras commis sans me soucier. Ô fils d'Adam, que si tu me rencontres avec tes péchés atteignant les cieux et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, que si tu me parvenais avec autant de fautes que la surface de la terre, je te rencontrerai sans m'associer quoi que ce soit, bien entendu. Sans m'associer quoi que ce soit, je te rencontrerai avec autant de pardon, c'est-à-dire la surface de la terre. Fahada, la qaïd muhim, c'est la qaïtani. Voilà tushrik biya shay'a. Quand tu ne m'as rien associé. Donc celui qui meurt sous le shirk sans avoir fait tawbah, le shirk akbar, fahwa finnar, mukhaladan fiha. Hada hukmuhu. Hada hukmuhu. Que Allah ne pardonne pas à celui qui l'aura associé et qui le rencontrera avec le shirk sans avoir fait tawbah. Le shirk akbar. Fahada fi fard tawhid. Ici vient le mérite du tawhid. Naam. Tayyib. Dans le premier vers qui dit waqul yukhrijullahu al-azimu bi fadlihi. Waqul, on a dit déjà, c'était le verbe à l'impératif qala yaqulu, qui dit donc i'taqid, et pour croyance, et prononce que yukhrijullahu al-azimu, que Allah sortira al-azim min asma'illah, al-azimu min asma'illah, al-azim. Souvent ça dit par une chose qui est immense, grandiose. Amen. Naam. Bifadlihi, par sa grâce. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala sortira des gens du feu par sa grâce. Car on ne lui doit rien. Et plutôt il ne nous doit rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne doit rien à sa création. Il ne doit rien à sa création, c'est par Allah ta'ala. S'il te sort, c'est rahmatan lak. Min al-nari ashadan min al-fahmi tutrahu. Donc du feu, min al-nar, du feu, ashadan, c'est le pluriel de jasad, les corps, managisme, le corps, min al-fahmi, al-fahm, wa al-jamr al-tawfi aswad al-lawn, c'est du charbon, c'est une braise qui a, s'est refroidie. Qui n'est plus rouge incandescente, elle est devenue noire. C'est du charbon. Le fahm, c'est du charbon. Et le charbon, c'est noir. Donc ces corps seront des corps carbonisés. Tout rahou, tarahat rahou, c'est le fait de poser. Vous pouvez aussi mettre dans quelque chose, là dans le sens. Tout rahou. Donc là, ce vers est lié à celui qui vient après. Tout rahou, ala nahri fil firdosi tahya bima'ihi. Donc là, tout rahou, ala nahr. D'accord? Dans un fleuve. Fil firdos. Firdos, kulnana firdos, ismun asma al-jannah. Dans un fleuve qui est dans le firdos. Tahya bima'ihi. Qui redonne vie par son eau. Qui redonne la vie par son eau. كحب حميل السيل إذا جاء تطفح. Donc là c'est quoi? حب حميل السيل. السيل c'est les écoulements qu'il y a, les torrents qui viennent par exemple après une crue de pluie, des pluies abondantes, ainsi de suite. Il y a des écoulements qui viennent, on s'appelle ça un سيل, un écoulement. Donc le seil, quand il passe, il dépose sur ses rives des graines qui donnent naissance, qui laissent pousser des plantes par la suite. Donc cela revient à dire que ces corps-là, hein, on leur redonnera vie, tout comme le seil lorsqu'il passe, en déposant ses graines, il leur redonne vie. Il y a ici un sabab, bien entendu. Al-Muhi Wallah. Donc ces gens qui sortiront du feu pour le tawhid qu'ils ont, pour leur iman qu'ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala leur redonnera vie, c'est-à-dire vie dans le sens que dans le feu ils étaient ni morts ni vivants, mais carbonisés. Donc il leur mettra d'une vie éternelle comme celle des gens du Jannah. Ils seront après des gens du Jannah. Et taïb wa tutfahu, c'est ça en fait, c'est lorsque cette plante, ou plutôt à fond de cette graine, d'accord, s'implante dans le sol, elle donne place à une plante, à un arbre ou à des herbes. Donc ça fait une comparaison de la situation de ces gens là lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les sortira du feu après que tous ceux qui ont fait shafa'a et fait shafa'a, il ne restera plus que la sienne, il sortira les gens du feu. Ils seront mis dans ce fleuve, d'où ils seront remis en vie, ils seront purifiés, seront plus carbonisés, et seront parmi les gens de Jannah. Donc cette mas'ala est prise du hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, al-muttafiqun alayhi, wa hadha lafz muslim, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, yudkhilullahu al-jannati al-jannata, wa yudkhiluh, من شاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقاله حبت من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في النهر الحياء أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلا جانب السيل ولم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. Donc le hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera dans le paradis les gens du paradis, et il entrera qui il veut par sa miséricorde, et qu'il entrera les gens du feu au feu. Ensuite il dira, regardez ceux, c'est-à-dire les gens du feu, dont vous trouvez dans leur cœur l'anatome de foi. Alors ils en seront sortis, c'est-à-dire du feu, carbonisés. Ensuite ils seront jetés dans le fleuve de la vie. Et de là, ils revivront, tout comme nous l'avons dit, cette graine qui pousse sur les rives du seil, de l'écoulement. Enfin, ces vers viennent pour, en fait, ce qui va suivre, à réfuter la croyance des Khawarij et des Mu'tazila, qui se rejoignent sur un point que celui qui a commis une kabira, mukhalladan finnar, mukhallad finnar, les Khawarij en mécréant celui qui commet un grand péché. Ça, c'est parmi leurs croyances. Et Inch'Allah, normalement, les autres vers vont venir par la suite pour parler justement de Masalat al-Iman, de la foi, et quels sont les deux groupes qui ont dévié dans ce domaine, qui sont les Murji'a et les Khawarij. On est pris dans le Masalat al-Qadar, deux sectes qui ont dévié, ce sont les Qadariya et les Jibriya. On a pris dans Asma wa Sifat, les trois sectes qui sont le Jahmiya et le Mu'tazila et l'Asha'ira. Et à chaque fois, tu vois que les gens de la Sunna sont le juste milieu. Toujours. Sont le juste milieu. D'où le titre de son livre de Sheikh al-Islam, Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Kitabu et al-Wasatiyya. Le juste milieu, c'est dans la croyance. Sans excès, ni laxisme, ni négligence. T'as même ? Ah, là-haut. T'as même ? فإلى هنا والحمد لله رب العالمين